Ce soir, je viens vous parler d'un sujet sur le rite de nos ancêtres. C'est parce que, justement, dans la suite, ça fait suite aux questions de tous ceux qui me suivent sur YouTube et me suivent sur mes vidéos. Et, naturellement, je n'ai averti personne. Tant mieux pour ceux qui vont rentrer et suivre ça en live. Donc cette vidéo de ce jour, de ce soir, va beaucoup plus parler de nos rites ancestrales. Alors le titre, vous l'avez bien vu là. Comment peut-on opérer nos rites africains hors de l'Afrique? Parce que beaucoup d'entre vous, justement, aviez émis ce vœu du fait que nous vivons loin. Nous vivons loin de nos pays, d'Afrique. Nous vivons loin de notre mère, notre terre, l'Afrique. Et nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Amérique du Sud, en Amérique centrale, nous sommes en Europe. Et parfois, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer en communion avec nos ancêtres. Est-ce que cela est un handicap? Est-ce que cela exige que vous soyez nécessairement en Afrique, ou bien est-ce que cela est nécessaire que vous vous initiez? C'est la question que nous allons examiner ce soir ensemble. Donc, après longue réflexion, suite à toutes les questions que... Merci beaucoup, bonsoir. Merci d'être rentré. Cette vidéo, je la fais sur... Généralement, mes vidéos, je les fais sur invitation, c'est-à-dire que j'avertis d'abord les gens sur Facebook, mais je ne suis pas obligé de le faire. Par exemple, ce sujet-ci, j'ai normalement ce site sur lequel vous êtes en train de me suivre. Si vous êtes abonné, c'est une bonne chose, mais si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous y abonner et inviter d'autres amis, parce que j'ai une multitude de vidéos qui traitent de différents sujets ésotériques, spirituels, religieux et scientifiques. Alors, souvent, les gens me posent des questions parce que il y a sur Facebook, j'ai également le même site qui a le même nom. Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Nous l'avons également sur Facebook. Donc, souvent, qu'est-ce que je fais? Au cours de la semaine, je passe tout mon temps à lire, à parcourir les questions de ceux qui sont intéressés au sujet que moi je présente en tant qu'initié, c'est-à-dire en tant que connaisseur des arcanes secrètes, des mystères de la vie et surtout de la tradition africaine. Et l'avantage aussi que j'ai, c'est parce que je maîtrise également d'autres traditions, c'est-à-dire les traditions occidentales, orientales, notamment le bouddhisme, les magies cérémoniales, les magies noires et les loges maçonniques ou rosicruciennes et autres. Donc, les questions que je traite, c'est à votre demande. Aujourd'hui donc, je vais venir avec ce sujet, parce que plus d'une personne, notamment 9 personnes, m'ont posé la même question sur le problème des rites. Il y a certains qui se sont vus dans les difficultés. Merci beaucoup, Fatih, Faïta. Donc, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont très intéressés parce que j'ai sorti beaucoup de vidéos sur comment pratiquer le culte de nos ancêtres. Et qu'est-ce que c'est d'abord le culte de nos ancêtres? Le mot culte de nos ancêtres, pour certains, ça semble être démoniaque ou démoniaque. En d'autres termes, si vous êtes quelqu'un qui pratiquait, par exemple, les religions de blancs, ce que j'appelle par les religions de blancs, ne soyez pas offensés. C'est les religions chrétiennes, par exemple. Les religions chrétiennes ne sont pas des religions de chez nous. La religion islamiste, ou l'islam, est une religion des Arabes. Donc, cette religion est partie de l'Arabie Saoudite, depuis Médine, par le prophète Mohammed, qui a convaincu un bon nombre de personnes pour le suivre. Ils ont déclaré la guerre sainte pour justement mettre un terme à l'adoration barbare, c'est-à-dire que les hommes adoraient Dieu à travers une multitude de dieux, ce qui n'était pas tout à fait normal. Donc lui, à sa façon, il a essayé de convaincre les gens qu'il y a un Dieu que nous devons adorer, il est unique et qui n'a pas d'associé, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'islam, mais en fait, la religion des blancs, c'est ce que moi j'appelle religion des blancs, c'est-à-dire que toute religion importée qui n'est pas de chez nous, qui n'a rien à voir avec nos religions. Et le souci qui m'amène également de faire ces vidéos-là tous les jours dans cette chaîne de télévision, comment dirais-je, cette chaîne YouTube, c'est le souci de constater que la plupart de jeunes, si vous me permettez, les jeunes générations, là je parle des générations, par exemple, de 1980 jusqu'en 90, toutes ces générations-là n'ont pas le privilège, si vous voulez, d'avoir accès à ce genre de connaissances. Pourquoi? Parce que la plupart, vous êtes nés dans les grandes villes, n'est-ce pas? Vous êtes soit nés dans des grandes villes, notamment en Afrique, vous êtes nés soit à Dakar, vous êtes nés soit à Libreville, vous êtes nés soit à Douala, ou à Yaoundé, ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro. Et là, je parle des gens qui, les générations des années 80 et 90. Donc, beaucoup d'entre vous n'avez pas, vous vous posez la question, mais nous avons trouvé nos parents qui adorent Jésus, et ils vont vous expliquer qu'il faut l'accepter comme ça, parce que la Bible, c'est la Bible. Et que la Bible est un document qui est vrai, ainsi de suite. Mais on ne vous a jamais exposé à votre propre tradition, c'est-à-dire on ne vous a jamais exposé à votre propre religion. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est en rapport avec les rites africains. Qu'est-ce que c'est un rite africain, en définitif? Eh bien, si parmi vous, il y a des gens qui sont de ma génération, donc les gens qui sont des générations 60, 70, ils ont à peu près une idée de ce de quoi je parle. Comment on peut faire un rite? Quels sont les outils ou les éléments nécessaires pour faire le rite ancestral? C'est-à-dire comment rentrer en contact avec nos ancêtres. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre 21e siècle, par exemple pour nous qui vivons aux États-Unis, qui vivons en Europe, a-t-on besoin des accessoires tels le faisaient nos ancêtres pour pouvoir rentrer en communion avec nos ancêtres? Et qu'est-ce que c'est nos ancêtres? Un ancêtre ou une ancêtre, c'est une personne qui fait partie de notre lignée familiale, mais qui n'est plus de ce monde des vivants, qui n'est plus de ce monde, des mortels. Mais il se retrouve dans l'autre monde, de l'au-delà. Ce qu'on appelle le monde de l'au-delà, c'est quoi? C'est-à-dire au royaume des morts. Donc, en d'autres termes, notre père, notre mère, notre grand-père, ou bien une personne qui nous était très chère, qui a quitté le monde dans lequel nous évoluons, quand ils sont de l'autre côté là-bas, on les appelle les ancêtres. Donc nous avons une descendance ancestrale. Nous sommes descendants d'une famille, ou de deux familles, ou de quatre familles. Bon, soyons plus clairs, nous descendons de deux familles. Mais de ces deux familles, il y a dans chaque famille quatre tribus. C'est-à-dire, le côté de votre mère, vous avez deux tribus. Pourquoi? Parce que votre mère a la tribu de son père, deux. Et la tribu de sa mère, deux. Vous voyez, le nombre de deux par deux, ça fait quatre. Et du côté de votre père également, vous avez quatre. En d'autres termes, vous avez votre mère qui a deux tribus. Une tribu de son père, en réalité deux tribus de son père et deux tribus de sa mère. Donc on pourrait également dire qu'au lieu de quatre, on pourrait parler de huit. Voyez-vous, la chaîne peut être complexe à comprendre. Mais j'essaie de simplifier ça, la manière la plus simple, afin que vous compreniez aujourd'hui le but de mon sujet, de notre débat, puisque je vous autorise de me poser des questions à la fin. Mais veillez suivre attentivement d'abord le sujet que j'ouvre ce soir. Alors, je disais que le sujet de ce soir s'est basé sur les rites de nos ancêtres. Pourquoi le rite de nos ancêtres? Parce que la demande, quand je suis entré dans Tata Nzambe le Tout-Puissant, qui est ici, vous êtes abonné également là-bas, sur Facebook, j'ai également une multitude de vidéos qui ne sont pas... J'avais promis les télécharger et les transférer sur YouTube. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu le faire pour des raisons personnelles, le travail, l'école et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce site-là de Tata Nzambe le Tout-Puissant, oh, bonsoir ma secrétaire, je n'ai averti personne, hein? C'était juste une surprise. Donc, je viens ici répondre comme la dernière vidéo que j'ai sortie la semaine dernière là. Aujourd'hui, je viens répondre à certaines préoccupations. C'est sur comment on peut faire le rite de nos ancêtres parce que la demande a été tellement forte. J'essaie de parcourir le courrier. Les gens ont insisté. Hein? Les gens m'ont dit non, nous, on ne peut pas vous attendre quand vous allez vous déplacer et y a-t-il pas moyen de nous montrer cela en live? Eh bien, c'est ce que je vais pouvoir faire ce soir. Alors, d'entrée de jeu, je disais le rite de nos ancêtres. Qu'est-ce que c'est le rite? Qu'est-ce que c'est nos ancêtres? J'ai déjà expliqué qui sont nos ancêtres. Ok? Ce sont les gens de qui nous descendons. C'est-à-dire, si notre père vit encore, c'est que notre père a eu un père. Mais son père n'est plus de ce monde, il est dans l'autre plan là-bas. Mais le père de ce père a eu également d'autres pères. Donc, c'est ce qu'on appelle les ancêtres. Ces ancêtres-là nous amèneront jusqu'au premier ancêtre que les religieux appellent Adam. Vous comprenez? Donc, le premier ancêtre de tous les humains sur Terre serait un certain Adam. C'est lui qui était le premier ancêtre. Donc, je vais vous expliquer tout de suite là comment alors nous, au 21e siècle, nous pouvons nous adresser à nos ancêtres. Au lieu de nous adresser à un Jésus, au lieu de nous adresser à certaines religions, écoutez, je ne suis pas contre les religions. Une fois de plus, c'est un avantage pour vous. Si vous continuez à adorer votre Jésus, tant mieux. Mais ce soir, vous allez quand même apprendre comment vous, vous pouvez également adorer Dieu à travers vos ancêtres, au lieu de passer le travers de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Ça, c'est donc très important de souligner ceci. Donc, c'était par rapport à toutes ces questions. Il y a des gens qui sont là-bas en Europe, ici aux États-Unis. Et j'espère que Valencienne, je ne l'ai même pas averti, hein, elle porte, c'est un pseudonyme qu'elle porte, Valencienne, elle vit au Canada. En fait, c'est elle qui a beaucoup insisté sur cette question. Elle a dit, c'est pas possible, je suis complètement perdu. Y a-t-il des moments où je peux célébrer, par exemple, mes ancêtres? Ou bien comment rentrer en contact avec mes ancêtres? Suis-je obligé de manger le bois sacré? Et c'est la même question que beaucoup de gens m'ont posée. Est-ce que le rite de nos ancêtres a un rapport avec l'affaire des initiations de Bouiti? Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire de manger le bois sacré? Laissez d'abord vous faire une petite genèse. Si vous avez vos Bibles, ben vous allez lire à partir du premier chapitre de la Bible, donc le livre de Genèse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu créa le premier homme à son image, et nous connaissons tout le credo, je ne vais pas vous le répéter. Et après avoir créé l'homme à son image, hein, il le fit selon sa ressemblance. Et ensuite, il endormit l'homme dans un profond sommeil, et de l'homme, il créa la femme. Ça, c'est de manière, le résumé un peu de la création de l'homme. Maintenant, puisque l'homme fut créé à l'image de Dieu, la question est la suivante. Est-ce que notre ancêtre, le premier homme là, que les religieux appellent Adam, est-ce que lui, il avait besoin de passer par l'intermédiaire de quelqu'un pour pouvoir s'adresser à notre Dieu? Pour votre information, c'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a jamais changé. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient et il est éternel. Il est le passé, le présent et le futur. Donc, il n'a jamais changé. Alors, la question est la suivante. Notre parent Adam, est-ce qu'il adorait le Dieu-là sous couvert de quelqu'un? Si vous avez la réponse à cette question, alors, ça veut dire, pour ceux qui diront oui, il faut m'apporter des preuves au nom de qui il priait Dieu. Mais si la réponse est non, est-ce que alors, la deuxième question est la suivante, pourquoi alors aujourd'hui, les gens prient au nom de Jésus-Christ? Je connais déjà la réponse des chrétiens. Ils vont me dire, non, c'est parce qu'on a péché. C'est parce que, ayant péché, le premier homme Adam nous a coupé donc de la connexion avec Dieu, donc il nous fallait un intermédiaire. Bon, cette histoire de Jésus-Christ, pour votre information, elle a pris existence uniquement à partir des datations romaines, bien sûr, de l'an moins 2 du mois d'octobre. Bon, et comme l'an moins 2 n'existe pas, on a commencé donc à marquer ça à l'an moins 2 plus 1. Ça nous a amené au mois d'octobre de l'an 1 comme étant le début de l'histoire de Jésus. Parce qu'il paraît que c'est normalement cette période qu'il est né. Il n'est pas né en décembre. Donc ça, vous le savez. Même les prêtres le savent, les pasteurs le savent. Maintenant, quand on voit bien cette datation qui part de l'an 1 et nous sommes en l'an 2018, allez-vous m'expliquer que c'est simplement l'an 2018 maintenant là, que les gens ont fait? Bon, ce n'est même pas l'an de 2018 parce que les gens ont créé, les Romains ont arrêté la canonisation de la religion, pour ne pas dire ils ont rendu la religion catholique comme religion d'État uniquement en l'an 325 de notre ère. Donc officiellement, on peut dire que le christianisme a dû voir le jour à cette période. Mais les autres historiens et théologiens vont vous dire que non, le christianisme a vu le jour à l'an 65 de notre ère par celui qu'on a appelé Saint Paul de Tarse. Donc celui qu'on appelait Saul de Tarse qui était devenu Saint Paul. C'est lui qui, dans l'actuelle Turquie, a créé à l'époque, avant que ça ne devienne Turquie, c'était dans cette zone-là, à Antioche. Donc, je peux toujours considérer que c'est du 1er ou bien au 3e siècle que les gens ont commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Mais avant cela, les gens priaient au nom de qui? Donc, toutes ces questions-là, je vous jure que ça fatigue les oreilles des gens, ça fatigue les esprits des gens. Les gens se posent mille et une questions. Pourquoi alors on doit prier au nom de Jésus? Mais pourquoi quand on prie au nom de Jésus, parfois on n'arrive pas à voir les résultats? Mais maintenant, aujourd'hui, avant que la religion ne vienne en Afrique, est-ce que les gens priaient au nom de Jésus? Ça, c'est la question. Avant que la religion ne vienne en Afrique, les gens ne priaient pas au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que les colons ne viennent nous coloniser avec la religion du christianisme, les gens ne priaient pas au nom de Jésus-Christ. Okay? Les musulmans ne prient pas au nom de Mahomet ou au nom de je ne sais qui. Parce que si vous lisez bien, la sourate qu'on appelle la sourate de Nas, je crois que c'est la sourate 113. La sourate de Nas, 113, elle dit quoi? Mais ce n'est pas la sourate Nas, c'est une autre sourate. Là, on dit que Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Voyez-vous? La soumission absolue au Dieu suprême, mais qui recommande qu'il n'y a qu'un Dieu. Et à lui seul revient l'adoration, rien que lui seul. Ilah, ilah, ilah, ilah. On doit l'adorer seulement lui. Ça, c'est ce que disent les musulmans. Donc, en d'autres termes, eux, ils croient que ce n'est pas nécessaire de passer par un intermédiaire. Vous pouvez adorer Dieu directement. Rappelez-vous, je ne veux pas aller hors du cadre de notre sujet. Qu'il s'agit de le rite de nos ancêtres. À quoi cela sert? Est-ce que de nos jours, on peut prier nos ancêtres à travers ces rites que les anciens utilisaient? N'oubliez pas que c'est ça. Mais je vous amène d'abord ici dans la Genèse de comment l'homme au début adorait Dieu. Avait-il besoin de les interposer? Avait-il besoin de passer par l'intermédiaire de quelqu'un ou bien s'adresser à Dieu directement? Donc les musulmans, eux, ils ont dit carrément non. On n'a pas besoin de passer par un intermédiaire parce qu'il est unique en de son genre. Alors cela peut paraître contradictoire parce que le même Jésus que les chrétiens adorent, je crois avoir dit cela dans une autre vidéo, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 24, eh bien, vous serez surpris. Permettez-moi donc de prendre un peu la Bible pour la première fois. Bien que je suis un initié, mais rassurez-vous que un initié ne veut pas dire nécessairement que vous devez rejeter. Mais tiens, où est-ce que j'ai laissé mon sac? Ah, ok. Non, c'est dommage que je n'ai pas amené la Bible. Bon, c'est pas grave. Je reconnais la parole par cœur. Voici ce que dit cette parole. La parole de Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Voici les hommes que Dieu cherche. Ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateur que Dieu cherche. C'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jésus-Christ n'a pas dit, là je parle selon le langage des chrétiens, il n'a pas dit que le genre d'adorateur que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en mon nom. Et encore, Jésus-Christ ne dira-t-il pas que le Père est plus grand que moi? Ça c'est selon la compréhension. Bref, si on rentre dans la Bible, on trouvera trop de contradictions. Bon, acceptons-le comme ça, que vous les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, je ne vais pas offenser quelqu'un, je respecte la religion chrétienne, je respecte les Grégores christiques. Vous, vous adorez Jésus, vous dites que vous priez au nom de Jésus. Donc, ça veut dire que ce Jésus qui est votre ancêtre, je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Je le répète. Que si on prie au nom de Jésus, ça veut dire que, en fait, on prie au nom. On prie au nom de Jésus parce que Jésus est notre ancêtre. Mais loin de là, n'est-ce pas? Jésus n'est pas notre ancêtre. Je vous ai posé une question au début. Adam, quand il adorait Dieu, au nom de qui priait-il Dieu? Est-ce qu'il passait au nom de quelqu'un? Est-ce qu'il avait un intermédiaire? Je vous dis tout de suite que vous pouvez faire des recherches à travers le monde entier. La réponse est non. Parce que Adam est l'ancêtre. Et son vrai nom, je l'ai dit dans l'autre vidéo pour ne pas me contredire, son vrai nom, ce n'est pas Adam. Le nom Adam vient du mot qu'on appelle Adama. Vous comprenez? Adama. Donc Adama veut dire la terre. Donc le premier homme a été créé la terre. Mais son nom, ce n'est pas Adam. Mais quand vous lisez la Bible, les dogmes religieux vont vous dire que ça s'appelait comme ça, il s'appelait Adam. Ok, on ne vient pas ici pour contredire ces histoires-là. Accepter le document tel qu'il a été modifié et écrit en l'an 325 et après 325, ça a été modifié en l'an 685 et ensuite en l'an 925 et ensuite trop de modifications. C'est ce qu'on appelle les différents conciles. Donc il y a eu des différents conciles arrêtés par les Romains, parce que les Romains voulaient chaque fois apporter des modifications, il y avait trop de conflits et il fallait adapter la Bible en fonction de la philosophie des gouvernants et ainsi de suite, il fallait adapter. C'est pour cela qu'on dit que la première religion, qui était la religion catholique, c'était une religion d'État qui utilisait la Bible comme moyen de persuasion et de conviction et d'amener les gens à se soumettre à l'État, mais pas réellement à amener leur âme vers le Créateur de l'univers. Bref, ce n'est que mon point de vue. Pardonnez-moi, une fois de plus, je ne juge pas les religions. Donc, Adam, Monsieur Adam, je le répète que les questions, veuillez me les poser à la fin, s'il vous plaît. Les questions, on les pose à la fin du débat. Donc, Monsieur, disons Adam, s'il faut dire, le premier homme qui adorait Dieu, n'avait pas besoin de passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Parce que, souvenez-vous, que la Bible dit bien que dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, et si vous sautez le chapitre 2, vous tombez au chapitre 3, à partir du verset 19, verset 22, et surtout revenons sur le chapitre 2, le verset 17 jusqu'à 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? En résumé, on nous dit que, en fait, puisque Dieu a créé l'homme à son image directement, à l'image de Dieu, l'homme fut créé. Et l'homme devint donc la ressemblance de Dieu. Donc, quand on est devenu la ressemblance de Dieu, je ne crois pas que c'est nécessaire de passer encore par quelqu'un d'autre. Donc, on s'adressait directement à Dieu. En d'autres termes, le premier homme ne passait pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Il s'adressait à Dieu directement. Le premier homme que les dieux créèrent s'adressait au Dieu ou à Dieu directement, sans pourtant passer par un intermédiaire. Ça, c'est la première logique. Et on nous dit que d'Adam, donc tous les hommes ont pris existence. Vrai ou faux? Et c'est une vérité. Parce que nous, nous descendons de ces premiers hommes-là. Qu'on l'appelle Adam, qu'on l'appelle Niemi, qu'on l'appelle Moussa, qu'on l'appelle qui? En tout cas, le commencement de l'histoire de l'homme a commencé par un homme. Donc ce premier homme-là, il s'adressait directement à Dieu. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Au fil des millions d'années ou des centaines de milliers. Bon, là, parlons plutôt de l'existence de l'homme sur Terre, parce que l'existence de l'homme sur Terre, ce n'est pas plus de 50 000 ans. Quand je parle de l'homme évolué. Donc, partant de cette cassure-là qui a eu lieu, la chute de l'homme, et j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus. La chute de l'homme, selon nous, les initiés, on n'explique pas que la chute de l'homme parce que l'homme aurait mangé le fruit défendu de Dieu. Non. La chute de l'homme veut simplement dire que l'homme n'avait pas évolué de manière progressive, mais il s'est précipité à avoir accès à la connaissance. Et c'est ainsi qu'en se précipitant, il s'est brûlé. Il s'est brûlé, donc il a perdu cette opportunité de l'éternité et de la vie éternelle. Les religieux vont vous dire que non, c'est parce que il a désobéi à Dieu et Dieu lui aurait donné un choix, Dieu lui a donné une loi. Mais les religieux, je leur pose la question, pourquoi le même Dieu encore crée l'homme en lui donnant le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais? C'est réellement, en ce moment, Dieu leur, comment dirais-je, leur a redonné cet interdit encore. Vous voyez, ça, ça semblerait des contradictions. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat dogmatique et autre. Utilisons la logique. La logique est que le premier homme s'adressait à Dieu directement. Mais il a perdu ce privilège. Les raisons sont multiples. Les religions vont vous dire qu'il a péché. Les initiés vont vous dire non, c'est parce qu'il s'est déconnecté du Créateur. Et les raisons sont multiples. On peut philosopher dessus, ça va être des milliards des encyclopédies qu'on va écrire. Donc, l'homme ayant perdu donc ce contact, ça n'a pas empêché que d'Adam, et Adam a eu des enfants. Et ses enfants ont eu des enfants. Et ainsi de suite. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Voyez-vous? Maintenant, nos ancêtres, avant que la religion ne vienne, comment eux adoraient Dieu? C'est ça qui nous intéresse ce soir. Alors, je veux partager avec vous, selon ce que j'ai appris auprès de mes grands-parents, et selon ce que les maîtres m'ont dit hier soir quand j'ai médité sur le sujet, après la lecture de toutes vos questions. Première logique, selon mes ancêtres, les ancêtres nous ont enseigné que quand vous voulez rentrer en contact avec Dieu, pour nous, voilà ce qu'ils m'ont dit, le Dieu suprême, celui qu'on appelle Nzama, Tata Nyambia, ou encore, pour ceux qui sont sur ce site-là, Tata Nzambe, le Tout-Puissant, Tata Nzamba Kana, ou encore Teta Mwanga, c'est comme ça qu'on l'appelle dans nos dialectes du pays. Hein? Chez les Égyptiens, ils l'appellent tant Ota, ou encore, et bien d'autres différentes dénominations, et les Juifs l'appellent à travers les quatre tétragrammatons, ou les quatre voyelles, Y, H, W, H. Donc, ce Dieu-là, l'âme universelle, comment il a fait pour communiquer avec les hommes dans le fil des temps? Est-ce qu'il a besoin qu'on, comment dirais-je, que les gens lui parlent directement? Mais vous verrez que, au fur et à mesure que le premier homme d'abord était un avec Dieu, et ensuite le premier homme a eu deux enfants, Caïn et Abel, et ensuite nous avons eu d'autres enfants, en passant par Methuselah, en passant par celui dont je vous ai parlé, Enoch, le grand prophète et patriarche, et ainsi de suite, Tara, père d'Abraham. Bon, si nous continuons toutes ces généalogies, vous allez constater que, au fur et à mesure que la population humaine grandit, alors Dieu s'éloigne de l'homme. Et l'homme, donc, cherche des voies et moyens pour pouvoir se connecter avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends encore ce que je viens de dire. Au fur et à mesure que la population humaine augmente sur la planète, alors celui que nous appelons Dieu, on a tendance de constater qu'il s'éloigne de nous. Parce que le premier homme était beaucoup plus proche du Dieu solaire, donc du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ça le problème, parce qu'il était le premier. Donc étant le premier, il est proche. Je vais prendre cet exemple humain. Bon, moi j'ai 4 enfants. Quand j'ai eu le premier enfant, j'ai eu cet amour en lui. Mais après, il y a eu le deuxième. Le deuxième commence à se détacher. Je donne mon amour pour le deuxième. Et je donne mon amour pour le troisième. Je donne mon amour pour le quatrième. Et imaginez-vous, au fur et à mesure que j'ai des enfants, la connexion avec mon premier enfant ne va plus être la même connexion que j'ai avec le quatrième. Parce que le quatrième a fait éloigner le premier. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en d'autres termes, l'homme Adam, qui était plus proche de Dieu, communiquait avec lui directement. Mais, après Adam, il y a eu ces milliers de milliards de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de combien? 7, bientôt 8 milliards d'habitants. Alors, imaginez-vous que tous ces milliards d'habitants-là, comment peuvent-ils, eux, se connecter maintenant avec le Dieu suprême? Vous comprenez que c'est là où la grande cacophonie, c'est là où est la grande question. Donc, l'homme maintenant se retrouvait obligé de chercher des intermédiaires. Mais Dieu merci que nos ancêtres n'étaient pas embrouillés dans ce domaine. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux, sachez que vous pouvez le vérifier, la science l'a confirmé. Récemment, ça a été confirmé au Gabon. Le groupe des Poitiers a confirmé que la première cellule vivante a été découverte au Gabon. Et des recherches scientifiques ont prouvé que le premier homme a été créé dans la zone du Gabon. Et des preuves scientifiques ont montré que l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal, ça a été trouvé au Gabon, c'est l'Iboga. Les Américains l'ont confirmé. Donc, vous dire que la vie, c'est un privilège, ça je le dis sur YouTube, Personne n'a contesté. Mes vidéos, je les partage même auprès des scientifiques. Au début, ça semblait boudé, il y a 2 ans. Mais maintenant, il n'y a même pas 1 an, ils ont découvert cela dans la zone de Mounana. La première cellule vive, la première cellule de, comment dirais-je, le premier fossile qui confirme que la vie a commencé bel et bien, la vie qui a commencé sur Terre a commencé au Gabon. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire déjà que là, il y a quelque chose que nos ancêtres, le premier homme étant un noir, donc nos ancêtres qui descendent de cet homme et puis devenus blancs à cause de la dépigmentation, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, 65 000 ans plus tard, il s'est retrouvé du côté du foie, donc du nord de l'Afrique en allant vers l'Europe. Donc le temps qu'il a mis là-bas, il s'est dépigmenté. Dans l'autre vidéo, je vous ai dit que moi, je n'avais pas un teint clair. Mais à force d'avoir été ici, j'ai fait presque 20 ans hors de mon pays, même si je fais des va-et-vient, mais l'acclimatation, disons le climat, le foie, a tendance à vous faire brunir. C'est tout à fait normal. Alors, nos ancêtres, donc, le point le plus important, nos ancêtres ont gardé cette connaissance que je vais vous faire partager. Ils ont trouvé à eux un moyen de communier avec Dieu. Avant que la religion ne vienne, je vous dis que nos ancêtres communiaient avec Dieu de manière directe ou encore indirecte. Et c'est cette connaissance que je partage avec vous. Donc, ils le faisaient à travers quoi? Ils faisaient ça à travers des rites. Et le rite, c'est quoi? Ce sont des techniques et des moyens qui permettent à l'homme de pouvoir se connecter avec son Créateur. Parce que la mère nature représente même le temple divin. La mère nature représente même le temple divin, représente la divinité supérieure sous toutes les formes. Quelqu'un va vous poser la question, avez-vous vu Dieu aujourd'hui? Je dirais oui, je l'ai vu. Comment? Mais quand je te vois, tu me vois. Mais c'est Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu me ressemble physiquement. Ce que vous voyez, c'est l'aspect matériel. Je vous ai toujours défini Dieu de la manière suivante. Que nous, êtres humains, nous sommes la manifestation du Dieu suprême. Nous sommes l'expression du Dieu suprême. Donc, nous sommes Dieu exprimé. Et oui, cela est conforme au livre de Genèse. Que lorsque Dieu créa l'homme à son image et ensuite il insouffle dans ses narines de vie, le souffle de vie, et c'est après avoir soufflé ou donné le souffle de vie dans les narines de l'homme, c'est ainsi que l'homme devint un être divin. Il devint une âme vivante. Donc l'homme est divisé en 3 parties. Dans sa triplicité qui est bien définie par les scientifiques, définie par les initiés, définie même par les religieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, cette triplicité, elle a été mille et une fois interprétée n'importe comment. Allez-y dans le temple de l'Égypte. Quand on nous parle d'Osiris, d'Isis et d'Horus, ça se forme toujours 3. Et allez-y chez les chrétiens. Quand ils parlent de Marie, Joseph et Jésus, et allez-y dans le culte qu'on appelle catholique, au nom du Père, je l'ai déjà dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, cette triplicité-là, elle est depuis les origines dans l'homme. Première unité, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, nous sommes matière. Voyez-vous, la terre, c'est de là que l'homme a été formé. Et deuxièmement, il lui a donné ce qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit, c'est le moyen de connexion entre le corps matériel physique et le corps spirituel qu'on appelle l'être divin ou l'âme, avant qu'on en arrive à l'âme. Donc, Dieu a créé, a préparé dans le corps humain des cellules. Partant des cellules, des organes et tout ça. Et là, à partir de l'ADN, qui est même, si vous voulez, l'engin moteur ou qui est la cassette qui enregistre toute l'existence, votre existentialité. Donc, partant de là, c'est là où est connecté maintenant l'esprit. L'esprit n'est autre que cette puissance motrice ou l'électricité motrice qui permet le corps physique d'être en action, qui permet l'âme de voyager dans l'espace et le temps, ce qu'on appelle faire un voyage astral. Quand vous faites un voyage astral, ça veut dire que votre âme part dans l'espace et le temps et le corps matériel reste là. Donc, nous avons les 3 corps pour que je ne puisse pas me perdre. Donc, cette triplicité, nos ancêtres le savaient. Ils savaient que l'homme est formé de 3 matières. Il a le corps matériel à partir de l'élément terre et ensuite, il a le corps spirituel à partir d'un Nzamba qu'on a lui-même le Dieu suprême. C'est-à-dire que quand il a insufflé, il s'est assuré d'abord que le corps était préparé. Et quand le corps matériel était fait, il avait déjà mis toutes les cellules en activité afin que, et il s'est assuré qu'il fallait qu'un cordon invisible soit là pour permettre la séparation entre la matière et l'esprit, ce que j'ai toujours appelé le phénomène de corps-objet. Corps-objet. Donc, vous avez le corps matériel et vous avez l'autre corps qui est le corps spirituel. Et pour permettre les déplacements entre les deux corps, nous avons besoin de l'énergie. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Vous comprenez? Donc, dans cette éclipsité-là, nos ancêtres comprenaient. Donc, voilà pourquoi. Comment eux, ils faisaient pour entrer en communion avec le Dieu? Ils utilisaient les rites. Mais ces rites, comme je l'ai dit, c'était des techniques. Et c'est des techniques que je vais pouvoir faire un petit résumé avec vous. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, premier élément qu'ils avaient besoin, c'était du bois fumé. Ils avaient le bois fumé ou le bois sec. Ils avaient les aliments. Ils connaissaient ce que leurs ancêtres mangeaient. Ils connaissaient ce que leurs ancêtres buvaient. Ils connaissaient ce que leurs ancêtres touchaient. Ils avaient tous ces éléments-là. Ensuite, ils avaient également le côté corporel. Donc là, je vous parle des accessoires. Il y avait des tenues spécifiques qu'il fallait porter. Il fallait porter le tissu à un certain niveau. Et ensuite, le terrain était préparé. Il y avait une entrée au niveau du derrière de la porte, et plutôt une entrée au niveau du derrière de la porte, et la sortie devant la porte. Et comment ces deux entrées, comment ces deux endroits diagonalement opposés, c'est-à-dire l'entrée qui était derrière la maison, on faisait un feu là-bas. Et en dehors du feu, moi qui ai grandi au village, on faisait même une forme de coupole. Cette coupole qui était mise juste depuis la sortie de la brousse, sortie donc de la brousse vers le terrain. Alors on faisait cette coupole. On faisait une forme de coupole. Vous comprenez de quoi je parle, de forme de coupole? Donc ça veut dire qu'il y a des bois qu'on érigeait, une poutre à gauche, une poutre à droite, et sur ce, au-dessus, on mettait une forme de losange. Et tout autour, il y avait des branches de palmiers ou des arbres, des fleurs tout autour. Pourquoi? Parce que ça, c'était l'entrée où on recevait les ancêtres. Que ça servait d'une porte d'entrée vers votre maison. Donc, on le fait souvent à l'arrière de notre terrain. Et ensuite, à une certaine heure, plus précisément, entre, surtout au coucher du soleil. Donc, souvent, ça se faisait entre 19h30 jusqu'à 23h. Le feu était entretenu derrière la maison. Et c'est là-bas, donc, où on avait le temps de bien recevoir, nos ancêtres. Ensuite, devant la porte, entre 4h30 du matin, 5h30 du matin, jusqu'à 6h, avant qu'il ne fasse jour complètement, on activait également un feu devant votre porte. Cette porte-là, ça servait de porte de sortie. Les ancêtres sortaient par là. Ou ils peuvent rentrer aussi par là. Mais généralement, ils rentrent par derrière la maison. Parce que c'est derrière la maison où on activait le feu comme symbole de lumière pour accueillir nos ancêtres. Ensuite, je vous ai parlé là au niveau du matériel. Alors maintenant, vous maintenant en tant qu'humain, au niveau de votre corps, vous ne devez pas être habillé comme je suis comme ça. Ça, c'est tenu de blanc. Bon, ça, je vous parle encore dans l'ancien temps. Et jusqu'à nos jours, dans les villages, c'est comme ça se passe. Donc, vous portez un tissu qui est soit rouge ou un tissu qui est blanc, que vous mettez tout autour de vous. Et ensuite, vous avez du kaolin. Il y a du kaolin blanc. On vous met ce kaolin blanc du bas vers le haut, au niveau des bras et au niveau du visage, sans avoir besoin de bois sacré. Il n'y en avait pas des adjuvants. J'utilise le mot adjuvant. Donc, quand vous faites le rite des ancêtres, vous n'avez pas besoin des adjuvants ou bien prendre du bois sacré ou quoi que ce soit. Non, mais seulement frottez votre kaolin. Ce kaolin, le visage que vous mettez tout en blanc, je l'ai expliqué là-bas dans l'autre vidéo, ça symbolise la blancheur, ça symbolise la lumière, ça symbolise les génies. Eux, ils aiment cette couleur-là, c'est comme ça. Et également, le tissu que vous portez doit être rouge ou blanc. Il y a toute une symbolique là-dedans. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous portez des sandales. Généralement, dans nos villages, on reste pieds nus. Vous devez rester pieds nus. Vos pieds devaient toucher le sol. OK? Et ensuite, leurs aliments. Et ces aliments, vous devez le faire, ce rite-là, pardonnez-moi, vous le faites toujours la même consigne que je donne aux gens. Il faut toujours faire ce rite-là en lune montante. Du premier quartier à la lune montante. C'est-à-dire, dès que le premier jour que la lune commence à monter, après la dispersion de la lune, 3 jours plus tard, vous surveillez. Quand la lune a la forme, comment dirais-je, à cette forme-là du premier quartier, alors vous commencez le rite. Et le rite, c'est simple. L'entrée de la porte est là, en forme de coupole. Le feu est activé. Chaque soir, vous activez votre feu. Vous posez les aliments à cette entrée. Ou avant l'entrée là-bas, vers la brousse, vous déposez ça sous les arbres. Vous déposez ça tout autour des arbres, devant, à l'arrière de votre maison. Et ensuite, quand une fois vous avez fait tout ça, la lumière, il y a le bois. Et ensuite, il y a la torche indigène, maintenant, qui vous sert de rencontre avec les ancêtres. Donc, maintenant, vous allumez votre torche indigène. Bon, maintenant, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes né chez les pays de blancs, là, soit ici ou en France, qu'est-ce que c'est une torche indigène? Ben, la torche indigène, c'est la résine d'un arbre qu'on appelle le koumé. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays d'Afrique, mais chez nous, au Gabon, c'est un privilège. Nzamba Kana, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que le premier homme a été créé au Gabon. Parce que c'est là, au Gabon, où le premier grand temple cosmique, universel, a pris naissance. Donc, on trouve tous les éléments là. Donc, la torche indigène, là, dont je vous parle, elle est faite à base de la résine. Donc, la résine, là, vous la récoltez comment? Vous blessez le koumé. Quand vous blessez le koumé va saigner. Et c'est ce liquide-là qui sort, que vous récoltez. Ce liquide-là va devenir dur. Et vous extraire, vous allez extraire ce liquide-là. C'est ça qu'on appelle la résine, le bois. Donc, cette résine, vous la prenez et vous formez une forme de baguette avec du bois ou avec les écorces d'arbres. Et vous pilez, il y a des spécialistes. Moi-même, je sais comment ça se fabrique également. Vous le fabriquez et vous formez une torche indigène. Cette torche indigène, ou encore, oui, permettez-moi l'expression, la sève. Résine ou la sève, c'est la même chose. Comme tous ceux qui sont du côté du Wolentem, il y a ce qu'on appelle la fabrication du caoutchouc. Ceux qui fabriquent le caoutchouc là-bas, l'éveilla, l'arbre de l'éveilla là, fait sortir une certaine sève. Et c'est cette sève-là qui forme le caoutchouc qu'on fabrique, les pneus, les caoutchoucs, ceci, cela. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec le koumé ici. Donc, cette sève de le koumé ou la résine là, vous faites la torche indigène avec. En Europe, je ne sais pas si on va vous autoriser de faire venir ça là-bas. Tout comme ici aux États-Unis, il y a un ami qui a réussi à rentrer avec, mais vraiment c'était tout un protocole, toutes les questions de sécurité et tout et tout. Donc, vous allumez cette torche indigène. Là, je parle maintenant de là-bas, en Afrique, pas ici. C'est ce que vous devez faire étant au Gabon. Donc, une fois que vous avez allumé cette torche indigène-là, qu'on utilise dans le Bouti, qu'on utilise dans toutes les autres sociétés secrètes initiatiques, que ce soit le Njembe, Melana, le Bouti, Bouti Ndia, Bouti Disumba, Bouti Ceci, de toute forme de Bouti, ils utilisent toujours la torche indigène. Même les Bilombo, les Elombo, Mbouire et tout ça, on utilise toujours la torche indigène. Et même lorsque vous faites le rite que moi j'avais simplifié, le rite d'appel de votre femme de nuit et du mari de nuit pour la calmer, tout. Souvenez-vous la vidéo? Mais là, je vous avais montré la manière classique que vous pouvez faire étant ici ou en Europe ou en France. Mais chez nous au Gabon, la torche, au lieu d'allumer des bougies, ce sont les torches indigènes que vous devez allumer quand vous allez faire le rite de vendredi soir à samedi soir. Voyez-vous? Donc là, je vous parle du rite ancestral. Comment ça se passe chez nous en Afrique? Torche indigène, ça vous sert, comme vous verrez le prêtre lorsqu'il officie devant les gens à l'église. Hein? Il a des gardes qui sont devant lui. Moi, j'ai des serveurs, vous savez de quoi je parle. Les gardes qui tiennent les deux chandelles, les deux grandes chandelles divines. Ces chandelles divines symbolisent quoi? Ça symbolise la lumière cosmique universelle. Ça symbolise la descente du Saint-Esprit, la descente de l'Esprit divin, afin que le prêtre rentre en communion avec cet Esprit cosmique universel qu'on appelle Yahvé et que, qu'on appelle ça, nous autres, donc ceux qui sont les membres de l'Église, puissent recevoir les bénédictions. Voilà pourquoi vous verrez que quand le prêtre marche devant lui, il y a quelqu'un qui tient sa robe, qui traîne. Et moi, je parle de vraiment la vraie tradition. Moi, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai grandi dans ces milieux-là. Donc, il y a deux serveurs qui sont devant, qui tiennent les deux bougies divines. Voyez-vous? Et le prêtre est en train de lire son livre. Il ne lit pas la Bible, mais il est en train de lire ses livres à eux, qui sont des formules magiques sur leur parchemin à eux catholiques. Il y a des catholiques ici, je crois qu'ils ne vont pas me contredire. voyez, le livre rouge que le prêtre lit. Et quand il lit au prêtre ce livre rouge-là, ce sont des bénédictions qu'il prononce. Et il fait le tour de l'église, il marche comme ça, avec la lumière devant. Donc cette lumière-là attire la lumière divine, cosmique, universelle. Donc, la même chose, nos ancêtres, avec la torche indigène. À la différence que vous n'êtes pas obligé d'avoir deux torches indigènes. Généralement, c'est une seule torche. Mais pendant que vous marchez avec votre torche indigène, vous parlez. Et là, je vais vous amener maintenant dans les paroles. Donc, une fois que vous avez fait tout ce qu'il y a lieu de faire, la nourriture est exposée, le vin est exposé, tout ce qu'ils avaient l'habitude de boire, c'est exposé. Maintenant, vous prenez la lampe torche. Je voulais dire la lampe, pour ne pas dire la torche indigène. Et quand vous amenez la torche indigène, ça veut dire que vous êtes prêt à rentrer pour parler. Donc, vous rentrez par la coupole. Vous sortez de la coupole. Vous partez vers la brousse. Et c'est de là-bas, maintenant, vous commencez à leur parler. Comment on parle? Je vais vous donner la chose, le secret de personne. Moi, vous donnez votre nom, vous présentez. Je suis le fils de tel. Mais, une fois de plus, dans nos villages, on ne le fait pas en français. Pardonnez-moi. Vous ne pouvez pas le faire en français dans nos villages. Vous ne pouvez pas le faire en anglais. Vous n'avez pas le droit de le faire dans n'importe quelle langue. Vous pouvez bien le faire. Mais là, je vais vous dire à quel moment vous pouvez le faire lorsqu'il s'agira de vous montrer le rite que vous pouvez faire chez vous, ici, dans votre appartement, aux États-Unis ou bien en Europe ou en France, là où vous êtes. Si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est pas beaucoup d'entre... La raison pour laquelle moi, je suis venu vous parler de ça, parce que c'est d'abord vous amener dans l'espace et le temps, comment ça s'est passé, et ensuite, vous montrer maintenant le rite simplifié que les maîtres m'ont montré hier soir. Et c'est avec ça que je vous parle. Soyez patient, je vous en viendrai. Mais là, je vous parle d'abord dans la manière traditionnelle, africaine. Donc, pardonnez-moi, je vais faire ça dans ma langue. Mie, ininya mino nubie. Onubie vandele, mbamba ya onubie vandele, ririya mina dumaga onubie. Atata dumaga onubie, riri onubandele onubie. Ambene, uigamba nyanyirere iririyo, mipabuti buligamba. Ndo, mikamba ni kagiyami. Kagiyami vandele onubie. Awa mina bambu modudu. Mungere konyumiyo. Mie diabo kukamba na nwe. Mie no mwana wa umanto kukone nchabunga Marie Claire. Nchabunga ndinga Marie Claire. Amama nchabunga ndinga Marie Claire. Mie no mwani wani. Mie no mwana wa umu wako kukumano adumaka umu bie. Aweke mama nchabunga Marie Claire. Majoni mama mieni mane ngiyo e kukone saka menu jamene. Mamine saka menu. Ambene riri ya kukumane ibika Josef. Awene roko kamba na wawo koko. Mie pa mia wawo dudu. Ambeke bia miyebo, mi kambana na kon kolo ko kokanwe, ko jibire mbera ino, anwe na bambo. Je préfère m'arrêter là, je ne vais pas trop continuer. Donc, c'était juste un exemple. Ça veut dire que dans nos villages, vous êtes obligés de parler dans une langue que vous maîtrisez. Là, j'étais en train de dire, je suis moi. Onubie Bandele, fils d'Adumaka de Nouvie. Adumaka de Nouvie, c'est le fils de Onubie Bandele. Bon, et c'est le fils de... Sanjia. Et je suis également le fils de Nsabunga Marie Claire. Nsabunga Marie Claire, c'est la fille de monsieur Gibinga Sosef et de Sakamenu. Donc, moi, je suis ici, moi, Vandele Onubie, votre fils. Je ne connais pas tous vos ancêtres, mais vous les connaissez. Vous êtes en connexion directe avec eux. Mais la raison qui m'amène ici, je veux maintenant vous parler. Recevez mon appel. J'ai déjà préparé le terrain pour vous. Je connais tous les mets, tout ce que vous aimez, vous avez l'habitude de boire et de manger. Tout est préparé, le terrain est préparé. Donc je viens vous appeler ici. Parce qu'il n'y a pas autre moyen par lequel je peux m'adresser à notre Dieu suprême. Vous êtes le Dieu suprême. Il est écrit dans la Bible que ton père et ta mère représentent Dieu sur terre. Si tu respecteras, le livre des Proverbes dit que écoute ton père et ta mère, ainsi tes jours vont s'allonger. Tu vivras longtemps parce que ton père et ta mère représentent Dieu sur terre. Je m'arrête là. Donc vous comprenez que le rite des ancêtres, ce n'est pas un péché. Le rite des ancêtres veut dire que c'est un moyen naturel pour vous de communier avec Dieu à travers vos ancêtres. Vous n'avez pas besoin de déranger Dieu. Je vous ai démontré par A plus B. On est près de 8 milliards d'habitants. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Mais Dieu vous donne automatiquement tout ce que vous voulez. Il ne peut pas se contredire parce qu'il est écrit dans sa parole que obéissez à votre père et à votre mère parce que ce sont eux qui représentent Dieu sur terre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Bon, maintenant qu'ils sont sur terre, ce sont eux qui vous représentent. Mais une fois, ils ont quitté ce monde, ils vont dans l'autre monde. Mais C'est tout à fait normal que vous devez continuer à leur parler. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Parce que ce cordon ombilical que vous avez avec votre père et votre mère, votre père et votre mère ont ce cordon ombilical également de leur père et de leur mère. Et ainsi de suite, jusqu'à Adam. Voilà le secret, c'est ça. Donc, en d'autres termes, je vous ai simplifié ici la chose. Je ne suis pas trop dans les détails. Je préfère m'arrêter là parce que sinon ça risque de durer des heures. Maintenant, je vais vous donner le rite que les maîtres m'ont dit de partager avec vous. Vous qui êtes en Europe, qui êtes avec moi ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'avez pas besoin de torches indigènes. Vous n'avez pas besoin, d'aller brûler la pauvre maison, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas besoin d'un pagne spécial et tout ça. Vous n'avez pas besoin, de former une coupole de branches et tout ça là, derrière la maison. Ça, ce sont les maîtres qui m'ont dit, les ancêtres m'ont dit ça. Parce que les ancêtres aussi comprennent. Les ancêtres s'adaptent en fonction du milieu dans lequel vous êtes. Et pour votre information, ces ancêtres, c'est Dieu. Je répète, nos ancêtres, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est qui, en réalité? Il ne faut pas chosifier Dieu, celui que vous appelez Dieu là. Dieu, c'est l'âme universelle. L'âme universelle, ce sont les âmes de tous nos ancêtres, de tous nos parents, blancs, noirs, jaunes, chocolat, qui se greffent et qui forment cette âme universelle. Dieu dans son expression totale, puisqu'il nous a créés à son image, et nous sommes l'image de Dieu, donc nous sommes l'expression de Nzambakana, nous sommes l'expression de Dieu. Pardonnez-moi que les religieux ici-là me pardonnent, parce que là c'est une compréhension un peu plus, beaucoup plus métaphysique et spirituelle. Mais quand on va vous donner Dieu comme une entité séparée qui est assis là-bas avec une grosse barbe blanche, et qu'on doit crier au secours, dire pardon, bien ici. Non, ce n'est pas ça. Il faut enlever ça de votre tête. Vous comprenez? C'est très important. Donc, voilà qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes en France, vous êtes ici aux États-Unis. L'essentiel que je vous demanderai, c'est ceci. S'il vous plaît, il faut connaître le nom de votre père ou de votre mère. Je parle de ceux qui ont des parents qui ne sont plus de ce monde. Maintenant, si votre père vit, ou votre mère vit encore, prenez le téléphone. Maman, oh, donne-moi le nom de mon grand-père. Donne-moi le nom de ma grand-mère, si vous n'avez pas connu ces gens-là. Bon, une fois... Si par contre votre père et votre mère est mort, ou votre grand-père, vous devez connaître leur nom. C'est très important. Vous devez, je ne veux pas trop être exigeant, mais normalement si c'est en Afrique, vous devez connaître également les tribus. Mais c'est un avantage. Connaître le nom du père et de la mère, c'est très important, surtout quand ils sont de l'autre côté. Une fois que vous connaissez ces gens-là, vous êtes chez vous, non? Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, vous pouvez toujours faire votre rite. Bon, vous n'allez pas faire ça quand il y a la neige. Donc, derrière votre appartement, pour nous qui n'avons pas acheté les maisons ici, parce que moi j'ai mes maisons au Gabon, moi je n'ai pas besoin d'acheter. Maintenant, ceux qui ont des maisons ici, vous avez votre maison, même derrière votre appartement. Sauf si vous êtes même si vous êtes à l'étage. Vous n'êtes pas obligé de faire le feu. Mais si vous avez un appartement ou bien vous avez votre propre maison, vous pouvez allumer votre feu aux heures indiquées. Élément numéro 1. Si vous voulez acheter un tissu, bon, maintenant le monde a évolué, il y a les tissus africains. Vous pouvez porter votre pagne africain, vous le mettez là. Vous le mettez. Vous mettez soit en haut ou en bas. Bon, là, c'est quand il ne fait pas froid. Mais maintenant, comme il fait froid là, vous pouvez toujours garder votre tenue même comme je suis là. L'essentiel, retenez-le, c'est de connaître le nom du père et le nom de la mère. C'est très important. C'est-à-dire que si votre père et votre mère ne sont plus de ce monde, naturellement. Parce que souvenez-vous, la Bible, c'est qu'elle dit. Que votre père et votre mère représentent qui? Représentent Dieu. Et que si vous obéissez à votre père et à votre mère, alors vos jours vont s'allonger. Ça veut dire que vous vivrez éternellement. Et quand vous vivrez éternellement, ça, on parle de quoi? De votre âme. Ça veut dire que quand vous quitterez ce monde, c'est votre père et votre mère que vous allez voir. Ce n'est pas Dieu que vous allez voir. Dieu, on ne le voit pas. Même Jésus l'a dit. Vous comprenez? Donc ça, c'est très très important. Dans son langage même allégorique, il a dit, moi, le père, ni le père, moi je connais, même le père, il n'y a que le père qui connaît, moi je ne connais pas. Et le père est plus grand que moi, parce que moi je suis venu seulement pour dire ce qu'il m'a dit. Bon, bien sûr, naturellement, ça c'est selon les chrétiens. Nous ne sommes pas là pour parler tout d'affaires chrétiennes, je parle de la tradition. Donc, une fois vous êtes chez vous, vous avez un problème qui vous préoccupe. Derrière votre maison, vous avez une terrasse, vous avez le terrain qui est là. Prenez du bois. Bon, maintenant, comme il fait froid, S'il n'y a pas le machin, vous ne pouvez pas aller faire le bois dehors. Vous avez le chauffage de maison. Vous faites votre chauffage de maison. Vous mettez cela en marche. Et vous vous asseyez en face de ce chauffage, en posture d'adoration et de calme absolu. Vous le faites deux fois par jour. Au coucher du soleil, c'est-à-dire dans la nuit, dans la soirée, avant d'aller dormir, et également au lever du soleil, donc avant que le soleil ne se lève, autant pour moi, avant que les humains ne se réveillent, souvent entre 4h30, 5h30, voire 6h. Arrêtez tout, au plus tard 6h. Souvent, c'est mieux de le faire entre 5h et 5h30. Bon, vous allumez votre feu. Si c'est le soir, vous l'allumez d'abord derrière là-bas. Si vous voulez, vous avez le choix. Vous pouvez alterner. Soit vous allumez ce feu-là devant votre appartement ou bien devant votre maison. Vous mettez, vous activez, vous mettez le bois. Si vous voulez, même les enfants peuvent venir. Hein? Mais seulement vous expliquez aux enfants que, ah, les enfants, je vais parler un peu à vos ancêtres. Et ça, ça va permettre aussi d'enseigner à nos petits-enfants qui sont ignorants aujourd'hui là, qui ne connaissent rien de la religion de nos ancêtres. Parce que la religion de nos ancêtres, c'est ça. Ce sont ces rites que je vous parle. Religion veut dire moyen de se relier à Dieu, moyen de se mettre en connexion directe avec Dieu. Ça, c'est le premier degré. Maintenant, quand vous allez atteindre le degré où moi je suis, moi je n'invoque pas les ancêtres, je n'invoque pas qui que ce soit. Ce que je veux, je pense et je l'ai. C'est authentique. Mais tout le monde commence par la base. Donc la base, c'est celle-là. Le rite de nos ancêtres, c'est ça la religion que nos ancêtres nous avaient laissée. Et cette religion consistait pour nous de nous adresser à nos ancêtres. Et je veux maintenant m'expliquer clairement. Si vous êtes chrétien, voilà ce que vous allez faire. Père éternel, tu es le Dieu suprême. C'est toi qui as créé les mondes visibles et invisibles. Tu as créé tout ce qui vit. Tu as créé mes grands-parents. Tu as créé mes arrière-parents. Tu as créé les oiseaux, les cochons, les gorilles et tout ça. L'honneur, la gloire, la puissance te revient. Enfin, ça, c'est moi, ma façon de parler parce que je suis tellement inspiré. Hein. Vous pouvez faire de votre manière. Je ne vous ai pas dit de parler comme moi. Mais en un mot, vous devez ici ce qu'on appelle en anglais « to praise the Lord ». To praise the Lord, en d'autres termes, c'est l'élever. Vous devez l'élever, un moment d'adoration pour lui. Le moment d'adoration veut dire reconnaître sa grandeur, reconnaître son amour, reconnaître tout ce qu'il a fait. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est toi qui as créé ceci. C'est toi qui as créé la vie. Et tu as créé mes grands-parents. Et mes grands-parents, ils ont vécu à tel moment. Tu as créé ma mère, mon père. Oh, papa, tu es merveilleux. Et j'ai appris que c'est à travers toi, donc c'est à travers eux que toi, tu t'exprimes. Je te remercie pour cela. Alors, papa, toi le Dieu suprême, permets-moi, au nom propre de mes parents, au nom propre de mes ancêtres, de m'adresser à eux pour que je puisse avoir ce que je désire. Alors, maintenant, vous vous tournez. Oh, papa, papa Mabako, papa Mabako Jean-Paul, toi, papa Mabako Jean-Paul, tu n'es plus de ce monde. Je suis ta fille. Je suis ta fille, Mekina Albertine. Moi, Mekina Albertine, je m'adresse à toi, mon père, Mabako Jean Bosco. Je m'adresse à toi également, ma mère, Nsam Odile. Depuis que vous êtes parti, je constate que ma vie là, c'est tout un désordre. Maintenant, j'ai compris, j'ai commis une erreur d'aller trop crier Alléluia à gauche à droite. Ce n'est pas mauvais d'aller crier Alléluia à gauche à droite, mais je me suis rendu compte que j'étais déconnecté avec vous. Quand vous étiez sur cette terre, quand vous étiez vivante, vous vous débattiez pour moi. Tout ce que je désirais, je l'avais. Maintenant que vous êtes au royaume là-bas, auprès de Papa Nzambe, auprès de Tetanyang et Mwanga, auprès du Dieu suprême, pourvoyeur de toutes choses, Jéhovah Jireh, c'est son nom. Ah! Vous êtes donc dans le monde des possibilités. Vous êtes dans le royaume des possibilités. Vous êtes dans le monde où tout est possible. Me voilà, votre fille Mekina. Moi, votre fille Mekina, je suis là. Ah, papa Mabako Jean Bosco. Je constate que la vie ne marche pas pour moi. Et je sais également que Tata Mwenga, le Dieu suprême, tout-puissant, il écoute ma voix. Et à travers vous, s'il vous plaît, adressez-vous à mes ancêtres que je ne connais pas les noms. Toi, mon père, Mabako Jean Bosco, toi, tu connais qui était ton grand-père. Et il est à tes côtés. Salue-leur, passe-leur mon bonjour. Regardez, ayez pitié de moi. Regardez la situation maintenant. Je ne vis que cette juste affaire de social, de social en social. Je demande le boulot, rien. Je vais à l'école, le cerveau, ça s'embrouille. C'est pas que je suis trop vieux. Je n'ai que 51 ans. Qu'est-ce qui c'est trop vieille plutôt? Qu'est-ce qui m'arrive? Les maris, rien. Ça ne marche pas. Donc, vous parlez sincèrement. Pardonnez-moi de ma comédie, c'est ma manière de parler. Vous me connaissez de manière humoristique, mais je préfère faire les choses de manière réelle. Une prière n'est pas un moment ritualique compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Vous allez maintenant mettre le cul en haut, les machins, les mains poussées, sauter. Non. Vous giflez quelqu'un. Non. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous parlez, et quand vous parlez, vous devez être émotionnel. Vous ne devez pas faire les larmes des crocodiles. Non. Vous montrez à votre papa, Mabako Jean Bosco et Maman Sam, vous leur montrez, parce que ce sont eux, de votre existence, elle vient d'eux. Vous formez un triangle. Maman Sam à gauche et papa Mabako Jean Bosco à droite. Et au-dessus d'eux, il y a Nzama, Tati Nyambi, Anyambie, Rera Nyambi, Abangioro, Aniche, le Dieu suprême, the Lord, the Almighty Creator of the Universe. C'est comme ça que ça se passe. Vous formez un triangle qui est à la fois en haut et en bas. Dieu est au-dessus du triangle. Vous avez Maman Sam ici et Papa Mabako là-bas. Et en bas, vous êtes là. Vous ne voyez pas que vous avez formé deux triangles. Vous, votre triangle, il est vers le bas. Et de ce triangle, Papa Mabako et Maman Sam, le triangle va vers Tata Nzambe, le Dieu suprême, la pyramide, le sommet de tout. Et même quand vous voyez le symbole qui se cache derrière la pyramide, qu'est-ce que c'est une pyramide en réalité? Ça vous met en connexion avec qui et avec quoi? Voyez-vous, même les Égyptiens, nos ancêtres, ont compris cela. C'était le rite ancestral. Alors, donc disais-je, vous avez mis votre feu, vous commencez à parler, vous commencez à parler, vous exprimez votre problème, mais n'oubliez pas, vous commencez d'abord à parler du Dieu suprême. Parce qu'avant votre père et votre mère, il y avait Dieu, avant Adam, c'était Dieu. Au commencement, Dieu était là. On nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole était avec Dieu, et la parole devint lumière, elle est venue ici, c'est machin. Bon, là, on me dit que c'est maintenant Jésus. Non, ça n'a rien à voir, ça, c'est une vérité mystique avancée. Donc, Dieu, au commencement, il n'avait personne, il était seul. Et ainsi, il décida de crier, et il décida de crier, et il dit, ainsi soit-il. Et c'est ainsi que nos ancêtres ont commencé à venir à l'existence. Voilà pourquoi, dans votre demande ponctuelle, quand vous allez faire votre rite ancestral, pour parler à vos ancêtres, parlez d'abord à Dieu. Vous lui présentez d'abord qui il est. Vous lui demandez de pardon, tout. Vous dites, ah, moi je te laisse dans ton coin là-bas parce que toi, tu n'as pas venu t'occuper de ça là. Tu as donné tout pouvoir à mon père et à ma mère. Et c'est ainsi que vous parlez maintenant à votre papa ou à votre maman. Maintenant, si papa et maman vivent, vous parlez à votre grand-père. Vous comprenez? Et votre grand-père vous dirait ce que je viens de dire à votre grand-père, à votre grand-mère, de pouvoir rentrer en communion avec leur père et avec leur arrière-grand-père. Et de pouvoir s'intéresser à vous. Parce que la première chose, il faut dire, donner votre nom, qui est dans l'acte de naissance. Ce n'est pas les petits noms de oh, Peter Beyoncé ou Peter Mignaka. Non, pas des conneries comme ça. Vous donnez votre nom qui est dans l'acte de naissance. Parce qu'il vous identifie à partir de cela. Allez-y revoir encore ma vidéo où je parle du pouvoir du nom. Il ne faut pas donner les noms des gens n'importe comment. Parce que les noms de Banyakwe, quand vous donnez les babillons, c'est les noms de bandes de voyous, les gens qui adorent le diable. Et puis à la fin, vous demandez pourquoi vos enfants deviennent fous, on les enferme à tout moment, ils sont dans la drogue, rien ne marche, l'école là-bas c'est 0-0. Parce que vous leur donnez des noms qui ne sont pas magnétiquement liés avec votre lignée ancestrale, ou des noms que vous n'avez pas choisis selon la méthode des ancêtres que je vous ai démontré la dernière fois. Et je vous ai toujours dit que si vous venez de mettre au monde un enfant, contactez-moi et je vais vous fabriquer un vrai nom pour faire de lui. S'il va devenir président de la République, je ferai par nos techniques qu'on nous a appris à travers le nom. Je vais lui trouver un nombre et c'est de ce nombre on va le décortiquer. Et vous verrez, votre enfant va être ministre, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les circonstances. Il veut être docteur, il va être docteur. C'est comme ça les Blancs, ils connaissent cette science-là. Voilà pourquoi vous voyez les Blancs, ils sont plus avancés que nous. Les Juifs, là, ils connaissent ce secret-là. C'est pour ça que les voyez, ils sont plus avancés que nous. Ils ne travaillent pas pour personne. Ils travaillent pour personne. Ils sont leurs propres patrons. Bref, pardonnez-moi, le rite des ancêtres, c'est celui-là. Le soir, vous vous mettez devant le feu. Symboliquement, bon, s'il fait trop froid, machin, vous n'allez pas poser les fesses dehors là-bas. Mettez-vous devant votre réchaud, la maison. OK? Même devant votre barbecue. Voilà, j'ai oublié. Devant le barbecue, vous brûlez. Ça doit être symbolique. Pendant que vous brûlez, vous asseyez en position d'adoration et vous parlez. Ah, ma vie. Ceci, cela, ça. Mais commencez d'abord par parler de Dieu d'abord. Et une fois que vous avez parlé de Dieu, maintenant vous amenez l'affaire de vos parents. Je vous jure, je n'ai pas besoin de vous jurer. Avant une semaine, vous aurez la solution. Et les gens appelaient ça le culte de nos ancêtres. Bon, je sais pas. Moi, je n'aime pas trop le mot là. Quel culte? Comment rentrer en communion ou en contact? Et j'ai une vidéo, s'il vous plaît. Elle est disponible. Comment communiquer avec nos génies? J'en parle. Comment communiquer avec Dieu? Comment communiquer avec nos génies? Mais cette partie ici que je développe avec vous ce soir, c'est suite à des demandes venant de vous que non. Nous qui sommes en Europe, là, on fait comment, mon Dieu? Et on va attendre d'aller en Afrique, là-bas, aller brûler les machins, faire les poudres, faire ceci, mais prendre les torches indigènes. Non, vous n'avez pas besoin de ça en Europe. En Europe, ce que vous pouvez faire, faites seulement des symboliques. Maintenant, si vous êtes dans votre chambre où il fait trop froid, prenez deux bougies divines. Je vous ai dit à quoi servent les bougies divines de l'église. Regardez-y, observez comment les prêtres prient, pas seulement l'église catholique, même les églises éveillées, ils brûlent machin, il y a toujours les deux symboles de la croix, et ainsi de suite. Pourquoi? Mais c'est ça que je vous ai parlé de la mystique chrétienne. Il y a tout un pouvoir derrière ce protocole. C'est une mise en circulation des énergies cosmiques universelles. C'est une mise en circulation de la force du Saint-Esprit au milieu des humains. C'est une mise en circulation des mouvements des anges et des archanges autour de vous. Mais les gens ne vous ont jamais expliqué ces choses-là. Voilà pourquoi je suis là, s'il vous plaît. Donc, ne soyez pas désespérés, ne désespérez point. Le rite des ancêtres, vous pouvez le faire étant en Europe, étant ici aux États-Unis. Donc, j'ai dit, le soir, maintenant là, les gens qui font les histoires, on appelle ça le travail d'équipe. Moi, par exemple, des fois, je travaille de 14h jusqu'à 22h. Ah, tu arrives, il faut encore préparer. Bon, Dieu merci, je ne mange pas la nuit. Moi, je travaille seulement vers 17h. Mais je parle de la vie normale d'un être humain, pas trop compliqué comme moi. Mais vous qui êtes des humains normaux, là. Ah, maintenant, là, tu viens du boulot en retard, il est 23h. Là, je parle du programme, par exemple, des États-Unis. Moi, c'est... Ben, en France, je crois que c'est pareil. Il y a des gens qui travaillent dans les milieux des gens qui sont infirmes ou bien les gens maboules, ou comment on appelle ça, là. Pardonnez-moi, pas maboules. Les gens qui ont des... qui sont assistés. Quand vous faites ce travail de personnes assistées là, deux fois, vous allez travailler jusqu'à 6 heures du matin. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps. Mais trouvez-vous un temps, même le jour où vous êtes de repos. Mais rassurez-vous que vous le faites quand la lune est montante. Ne le faites pas en lune descendante. Quand vous le faites en lune montante, insistez, insistez, insistez, insistez. Vous verrez que les résultats, vous allez l'avoir quand la lune va descendre. Même si ça ne tombe pas la lune descendante de ce mois-ci, mais le mois qui suit. Je vous dis, vous aurez la suite. Vous aurez ce que vous désirez. Alors, n'allez pas dire que, oh non, même si je demande 1 milliard. Parce qu'il y a des gens qui posent toujours des questions bizarres. Vous allez me demander à l'ancêtre de vous donner 1 milliard. Toi-même, tu as d'abord combien là? Tu es fauché comme même les rats de l'église mangent les miettes de pain. Donc, laissez la faire 1 milliard. Cherchez d'abord des choses simples pour vous permettre d'être assise. C'est ça d'abord, ces choses qu'il faut chercher. Donc, je vous ai dit, le soir, débrouillez-vous à le faire. Entre 19h, dès que ici aux États-Unis, déjà le soleil se couche, il est déjà nuit, dès 17h déjà il fait nuit ici, comme vous le savez, on a changé là, les heures. Donc, dès qu'il fait nuit, entre 18h, 19h, 20h, rassurez-vous qu'il n'y a pas de badauds là qui viennent vous distraire. Bon, maintenant si les badauds viennent, ignorez-les, mais faites-le, avertissez d'abord votre famille ou bien votre roommate, donc la personne qui partage la maison avec vous, dit, ah, mon parent, moi je suis en train de faire ma prière. Il va être étonné parce que vous allez parler des Bansam ou des Jean Bosco, Mabako, tout ça là. Mais ça, ce n'est pas Dieu que vous avez cité. Ça, ce n'est pas leur business. Donc, il faut le faire de manière à respecter ce que je vous dis. Donc, derrière la maison, vous pouvez le faire. L'essentiel, c'est que quand il ne fait pas trop froid, vous mettez votre feu et vous parlez. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vos problèmes du cœur avec émotion. Pleurez même si possible, s'il vous plaît. Pleurez. Et ça, je vous dis, quand vous pleurez, c'est là où vraiment il y a le miracle qui s'est produit. Je parle des vrais pleurs, je ne parle pas des pleurs de crocodile faire semblant. Ça veut dire, sentez qu'il y a une émotion forte qui vous habite. Sentez que vous êtes en train de parler à votre propre papa, c'est comme s'il était assis là devant vous. Moi, ce que je vous dis là, s'il vous plaît, je vous l'avais dit depuis le début que toutes les connaissances que je viens partager avec vous, moi-même, je l'ai expérimenté. Hein? C'est ça. Je vous dis la vérité. L'université où je parle là, j'ai des enfants qui ont de 25 ans, 22 ans, qui sont étudiants à côté de moi. Mais quand moi je me mets à parler avec mon père et ma mère, le test qu'on va faire, des fois je n'ai même pas étudié, mais bizarrement, comme ici là, ils posent des questions au hasard, voilà comment ils deviennent des docteurs, force ou trou, voilà les questions qu'on leur pose. Est-ce que c'est vrai ou faux? Monsieur Tel était mort d'une crise cardiaque ou d'un AVC, est vrai ou faux? Et puis vous mettez vrai. Et comme il y a des esprits qui vous aident, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, à la fin vous avez 100%, mais honnêtement, franchement, Donc, c'est pour vous dire ces choses que je partage avec vous, j'ai expérimenté ça. Non. Maintenant, le matin, avant d'aller à l'école ou avant d'aller au travail, si vous n'êtes vraiment pas paresseuse ou paresseux, faites la même chose, mais cette fois-ci devant la porte. Devant la porte, là. Ou bien, je vous ai dit, vous pouvez inverser. Soit vous faites devant la porte le soir, avant de dormir, ou bien vous faites, pour éviter les surprises des gens qui sont trop curieux devant la porte, là, vous pouvez continuer à le faire pas derrière votre maison. Mais il est recommandé normalement de faire soit des deux côtés, le matin derrière et le soir devant, ou bien le matin derrière, le soir devant. Ça dépend de vous. Bon, mais si vous constatez que vous avez trop de gens qui sont trop curieux, parce que l'homme gabonais ou l'homme africain, c'est comme ça. On veut savoir qui a pété, qui a dit quoi, le Congo, ça. Donc, pour éviter ces palabres-là, soyez comme votre homme serviteur. Je n'ai pas d'amis. Suis-je fier de le dire? Oui. J'ai des gens, des collègues, qui veulent devenir des amis à moi. Mais ils me trouvent trop compliqué. Oh, mais toi, tu ne peux pas boire la bière, tu ne prends pas les alcools. Mais toi, tu ne peux pas aller en boîte, machin. Non, je n'ai pas dit que je suis antisocial. Mais dans la vie, il faut être sélectif. Il faut être très sélectif. Donc, si devant la maison, on peut vous dire ça, allez-y le faire derrière la maison. Donc, je crois avoir répondu à cette préoccupation. Vous n'avez pas besoin, disais-je, vous n'avez pas besoin de torches indigènes, vous n'avez pas besoin des accessoires tels que l'exige la tradition. Hein? Donc, et les ancêtres m'ont dit de partager ça avec vous, ils m'ont dit non, il ne faut pas que les gens aient les mots de tête. L'essentiel qui nous appelle, l'essentiel qu'on entende le nom, Adoumara Onoubié. L'essentiel qu'on entende le nom, Onoubié Georges. L'essentiel qu'on entende le nom, Mboutou, Trabadel, ou bien Ntsabungunding, Marie-Claire. L'essentiel qu'ils entendent ce nom-là. Moi, je vous dis, quand je cite le nom de Ntsabung Marie-Claire Ding, c'est ma mère. Hein? Et ma mère de son vivant, oh là là là là là là, elle m'aimait beaucoup, trop attachée. Donc, vos parents-là, avec qui vous étiez tellement attaché, ce n'est pas nécessairement votre père et votre mère, voici un détail très important. Si c'était votre oncle qui vous aimait trop, il faut le faire. Il faut invoquer son nom. Il ne faut pas aller faire ça. Moi, par exemple, avec ma grande soeur, on ne s'entendait pas quand elle était ici là-bas. Bon, la dernière fois, elle m'a parlé, là, un peu un ton bizarre. Je parle, elle est de l'autre monde, elle a quitté ce monde depuis près de 15 ans. Mais, il y a des moments, moi, je la convoque, elle m'écoute. Hein. Mais ce n'est pas très intéressant. Quelqu'un avec qui tu ne t'entendais pas depuis vivant, il ne faut pas aller l'embêter. Il va dire, toi-même, quand on vivait là, est-ce qu'on s'entendait? Donc, il faut plutôt convoquer surtout quelqu'un avec qui tu t'entendais. Moi, par exemple, ma grande sœur, on ne s'entendait pas. Mais elle est obligée de s'entendre avec moi parce que quand je fais appel à maman, même quand maman vivait, maman lui faisait la guerre. Mais toi, tu n'aimes pas ton petit frère. Pourquoi? Parce que celui, le dernier né, hein, toi, tu es jalouse. Lui, il a fait l'école. Toi, tu abandonnes l'école pour les histoires des enfants. Donc, maman, chaque fois qu'elle parlait comme ça, la grande sœur se fâchait. Alors, c'est ainsi que moi, pour capter l'attention de la grande sœur, je passe par maman. J'ai dit à maman, ah, moi je m'adresse à toi là, c'est un peu de parler à ma soeur là-bas. Et puis, un moment, je la vois, elle me parle. Et puis, on converse, même si elle est un peu fâchée parfois, parce qu'elle voit la situation des enfants qu'elle a laissés là-bas au Gabon. Mais je prie pour ces enfants-là. Bon, vous comprenez? Donc, le culte de nos ancêtres, moi je n'aime pas le mot là, le rite ou la communication, voilà, je préfère utiliser le mot la communication. La communication avec nos ancêtres est très importante. Commencez à le faire dès aujourd'hui. Je vous ai montré la formule la plus simple. Je vous ai facilité tout. Ce n'est pas moi, c'est Zambakana. À travers les anges, à travers les génies, ils m'ont dit que non, va leur dire qu'ils peuvent le faire de cette façon. Ils ne sont pas obligés d'avoir tous ces tralala de batracasserie, de brûler ceci, me mettre les histoires de coupoles, autoches indigènes, jouer les tchégué, frotter les bakaolins. C'est bien beau quand on est en Afrique. On peut bien le faire. Mais nous sommes ici. On fait comment? Comprenez? Donc, tentez. Ce qui est le plus important, retenez-le. Le mot-clé, c'est la communication. Comment communiquer avec nos ancêtres? Hein? Enlevez-moi le mot, le rite des ancêtres. Mais comment communiquer avec nos ancêtres? Le moyen le plus puissant, c'est de prononcer leur nom. Une fois que vous avez invoqué le nom du Dieu suprême, et parler avec le Dieu, reconnaître sa grandeur, en un mot, praise the Lord, dites-lui tout ce que vous pensez, tout ce qui est bien beau, tout ce qu'il a fait pour vous, votre succès, tout. Ça, la Tanzambakana aime bien. Et après, vous lui dites, bon, moi, je te laisse dans ton coin, toi, tu dois t'occuper de 8 milliards déjà, moi, je vais maintenant parler, donc, par l'intermédiaire de mon père, par l'intermédiaire de mon oncle, par l'intermédiaire de mon grand-père, là, qui m'aimait beaucoup, on allait faire la chasse là-bas à Zingo, ou bien par l'intermédiaire de ma petite sœur. Celle-là, elle ne pouvait pas s'en débarrasser de moi. Donc, choisissez Quelqu'un que vous saviez, que vous aimiez, qui vous aimait, de son vivant. Parce que n'allez pas parler avec votre père si c'est quelqu'un qui vous bablait, qui vous giflait tout le temps. Si c'est quelqu'un qui ne vous aimait pas, ça sera d'aller le déranger. Vous voyez, le rite des ancêtres pour vous consiste à rentrer en contact avec des gens qui, de leur vivant, déjà vous mettaient à l'aise. Ça, c'est un avantage. Je n'ai pas dit forcément qu'il ne faut pas appeler le père la mère, même s'ils ne vous entendaient pas. Parce que les malédictions qui vous poursuivent dans vos vies, là, retenez-le, ça vient de qui? Ce n'est pas forcément l'oncle que vous allez accuser parce qu'il est devenu ministre, il a été nommé par... Oh pardon, il est parti, je ne vais pas parler de politique ici. Parce qu'il a été nommé, non! Deux fois, c'est votre grand-père. Deux fois, c'est votre grand-mère. Ou bien deux fois, c'est votre mère. Hein? Votre mère, de son vivant, a demandé que vous lui envoyez le western. Criez, criez, criez, rien. Vous ne faites rien. Et pourtant, vous avez l'argent, mais vous ne faites rien. Mais vous pensez que la personne, quand elle meurt, elle va mourir avec la colère. Donc, ces gens de personnes-là, vous pouvez faire un rite d'appel pour eux. Je vais dire, vous pouvez faire le rite des ancêtres. Parlez avec eux. Ah, je m'excuse, vraiment. J'avais trop de problèmes, c'est vrai, je m'excuse. Oh, oh, maintenant, là, je vais envoyer donc l'argent à ton mari. Oh. Je sais que tu m'avais demandé le western là, en 2005, mais moi, je refusais, j'avais peur. Je disais, vous, les sorciers, là, vous allez me tuer. Pardonne-moi, maman. Tu es maintenant de l'autre côté. Pardon. Maintenant, je vais envoyer le western là, à ton mari parce qu'il vit encore. Et faites-le vite, vite, vite. Rattrapez-vous. C'est ce qu'on appelle payer les lois karmiques. Bref, je m'excuse. Je crois que j'ai répondu à cette préoccupation et je vais vous donner un temps donc de me poser des questions maintenant et on va se détendre un peu avec notre musique habituelle. Allez-y, nous avons encore 20 minutes, donc je vous donne le temps de me poser des questions. Je pose, quelqu'un m'a demandé le bruit du Zumba, ok. Allez-y, maintenant je suis là pour vous. Je vais répondre à vos questions. Du Kombonga dit le monde. Quand vous me dites que pensez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Jonas, qu'est-ce que vous voulez, mon Dieu, savoir de ces boutis? Mais tout ce qui est boutis, c'est beau, mon petit, pour votre élévation. Tout ce qui est bouti, ngombon bouti, quel que soit le bouti que vous êtes adhéré, tant que vous respectez la voie du bouti qui vous permet de faire rien que le bien, uniquement le bien. Moi, par exemple, la seule voie que j'ai choisie dans le bouti, je l'ai faite avant de m'initier au bouti. Je ne suis pas un maître du bouti, je suis devenu maître dans les autres arts magiques et spirituels. Le bouti est venu confirmer simplement tout ce que je connaissais déjà, est venu me montrer la voie. Et j'étais déjà en ganga avant d'être dans le bouti. Donc, la connaissance du bois, la plante, c'est une forme de bouti. Tout est bon dans le bouti, Jonas. Tout ce que vous me posez comme question là, tout est bon. Quand vous me demandez que pensez-vous, ce que je penserais de mauvais, c'est quand vous utilisez le bouti pour faire le mal. Savez-vous que mon frère de bouti au Gabon, ils utilisent ça. Est-ce qu'on peut prier des vieux qui nous aimaient sans avoir des liens de sang? Bien sûr. Bien sûr, moi je vous dis par exemple, comment dirais-je, quand j'étais à Ombwe, j'avais une vieille maman qu'on appelait Maman Kakotaroya, une femme gouée. Cette dame-là n'était pas parente à moi. Mais le fait de lui extraire les chics, d'être à côté d'elle, de m'amuser avec elle, je communique avec elle jusqu'à aujourd'hui. Je communique avec elle, parce que je l'ai connue. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des liens de sang direct. Comment appeler son génie à se manifester? Ah non, ça c'est quelqu'un qui est nouveau. Allez-y me suivre la vidéo là. Il s'agit de quel génie que vous voulez là. Parce que, il faut bien reconnaître que il y a plusieurs formes de génie. Hein? Je vais vous développer un peu là, rapidement, pour la personne qui pose la question de génie. Il y a le génie qui est né avec vous. L'ange gardien. Ça, c'est le génie qu'on appelle votre femme ou votre mari de nuit. Il y a une vidéo où j'ai déballé comment se réconcilier avec elle. Parce qu'elle, elle peut vous embêter. Elle vous pousse à vous masturber. Elle vous pousse à avoir des discordes avec votre femme, des discordes avec votre mari. Rien ne marche. Tant qu'on ne l'a pas supplié, tant qu'on n'a pas fait le rite Mbumba Yano, ou bien le Mbumba, même si les femmes ont fait ça. Tant qu'on n'a pas fait ce rite-là, je vous dis, c'est les palabres. Mais moi, je vous ai simplifié. par l'accord des grands maîtres et des génies, ils m'ont montré un rite qui circule. La vidéo est disponible. Comment apaiser la colère? Comment se réconcilier avec elle pour qu'elle vous accepte dans votre mariage? Maintenant, l'autre génie, j'en parle dans l'autre vidéo qui est sortie la semaine dernière. S'il s'agit des génies des eaux, je vais vous expliquer comment rentrer en contact avec les génies des eaux si vous en voulez une. Comprenez? Toi qui as problème avec la femme des nuits là, il faut aller me suivre la vidéo là. La vidéo, elle est disponible. Hein? J'ai sorti une vidéo là. Comment calmer sa colère? Le Mbumba Yano, oui, ça se fait et pour les hommes et pour les femmes. Oui, ça se fait et pour les hommes et pour les femmes. Vous avez rêvé d'une ex pendant que vous faisiez quoi? Vous avez rêvé d'elle, vous faisiez quoi? Il faut être clair dans vos questions là. Vous avez rêvé d'une ex, qu'est-ce qu'elle faisait? L'ex-femme, elle faisait quoi? Peut-être que vous avez pensé à elle. Avez-vous des enfants avec elle? Voilà les questions. Donc, quand vous me posez la question, il faut bien préciser. Bon, vous faisiez l'amour avec elle. Ce n'est pas elle en réalité qui faisait l'amour avec vous. Ça, il s'agit, là, il s'agit de votre femme de nuit. Votre ange gardien. Le Mbumba et le Bouiti, c'est deux choses différentes. C'est deux initiations différentes. On peut vous initier dans le Mbumba et les rites sont différents de Bouiti. Et chacun maîtrise son domaine. Voilà. Les énergies d'Adam et d'Ève, pour que vous me posez ces questions, j'ai déjà développé ça, mais je sens qu'il y a trop de nouveaux ici. Les énergies, j'en parle dans une vidéo. Allez-y visionner la vidéo qui est sur Tata Nzambe Akana, qui est sur Facebook. J'ai sorti une vidéo sur ça. Il faut vous initier au Bouiti, là, quand vous me posez toutes les questions sur le Moussingi. Hein? La civette, la peau de la civette, ça représente beaucoup de choses dans le Bouiti. Il faut vous initier au Bouiti. On peut prendre l'iboga pour la sortie du corps sans passer par le Bouiti? La réponse est oui. Ah, bon. Le Mbumba, si vous me dites que le Mbumba était maintenant un Bouiti, ça c'est différent. Mais le Bouiti est différent du Mbumba. Le Mbumba, ça c'est une autre initiation. Ok? Vous pouvez manger le bois sacré, manger l'iboga pour une sortie astrale à dose contrôlée par un maître sans être initié nécessairement. Oui, cela est vrai. Mais je ne vous demande pas de prendre le risque de le faire, s'il vous plaît. Je ne vous conseillerais pas de le faire si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît. J'ai par exemple un petit là qui m'a posé la question la semaine dernière. Il a reçu une petite quantité de l'iboga. Donc il m'a dit ce qu'il faut lui dire. Et je ne le cache pas, je l'ai dit déjà dans notre vidéo il y a 2 ans. Vous prenez 2 cuillerées de l'iboga en poudre et 2 cuillerées du miel, vous mélangez. Et vous verrez ce que ça va vous faire. Et au fur et à mesure, si vous ne sentez pas des effets trop dangereux, vous allez commencer à transpirer. Et après, vous cassez. Vous prendrez 2 cuillerées de la poudre de l'iboga avec 1 seule cuillerée du miel. Et ainsi de suite. Le live qui réveille les gens la nuit. Je me rappelle que me faisait boire son liquide et choqué par un moment. Bon, là, vous parlez de quoi, là? Bon, tous les rêves que vous voyez là, ce sont des messages de nos ancêtres vers vous. Ils peuvent vous amener de l'argent. Ils peuvent vous amener, je ne sais pas quoi, vous donner de l'or. Ça veut simplement dire que votre maman qui est dans l'au-delà veut venir vers vous, aimerait communiquer avec vous. Donc vous verrez que le sujet que je parlais ce soir-là a un rapport avec vous. Vous comprenez? Ça a maintenant un rapport avec ce que je viens de dire. Donc quand vous rêvez que vos parents vous donnent des choses, vos parents vous parlent, votre grand-père, votre père ou mère, c'est le moment maintenant d'appliquer cette prière-là, comment rentrer en communion avec vos ancêtres. Ce que je vous ai montré ce soir-là, s'il vous plaît, tentez l'expérience d'un demain. Faites-le, je vous en prie. Et faites-moi des témoignages. Je vous dis que ce que je vous dis là, je le fais. Je ne peux pas venir partager avec vous une connaissance que je n'ai pas expérimentée. La même chose quand je vous ai parlé de comment magnétiser votre propre portefeuille en utilisant la technique de la feuille verte dans le portefeuille. Moi-même, je l'ai expérimenté. Donc, quel est le rite initiatique de Moïse? Mais Moïse, d'abord, c'était un noir. Son rite qu'il avait reçu, il avait reçu de Jéthro. Jéthro, c'était le petit-fils de Melchisédek, qui était le grand prêtre par excellence, qui vivait dans la Mésopotamie, et dans cette zone de la Mésopotamie où était le prophète Enoch. Donc, à votre question là, sur le rite initiatique de Moïse, c'était un rite de chez nous. Le rite initiatique de Moïse, là, il a reçu chez nous. Parce que Moïse, souvenez-vous, l'histoire de Moïse se passe entre l'Égypte et le Congo. C'est là où se passe cette histoire-là. Et tout le monde le sait, même les juifs le savent, que le Moïse dont on parle, il n'était pas juif. Il était hébreu, c'est-à-dire il était noir. C'est dommage que le temps entre de courir. Et les questions ne défilent plus sur l'écran. Donc, je conseille aux gens de se faire initier. Bon, vous qui êtes allé manger le bois sacré, vous n'avez rien vu? Ça, c'est grave, ça. Ça veut dire que votre maître a commis une erreur. Vous devez aller vous réinitier à nouveau. Allez-y, vous initiez à nouveau. Les sirènes, j'ai expliqué le problème des sirènes, là, celui qui me parle des sirènes, là, ou les génies des eaux. Allez-y lire, suivre la vidéo que j'ai faite hier. Les sirènes, c'est qui? Je vous avais expliqué ça. Allez-y visionner la vidéo sur que j'ai sorti il y a à peine 2 jours là. Vous comprenez? Les sirènes ont été créées avant Adam. C'est-à-dire, les sirènes, c'est qui? Je vous expliquais dans la vidéo ce qui s'était passé selon le livre d'Enoch et selon le livre de Genèse, chapitre 6, chapitre 7. On nous parle de quoi? Que les anges, les messagers de Dieu, les archanges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus baiser les femmes sur terre. Et c'est en venant baiser les femmes sur terre que Nzambakana, Teta Mwenga, s'est fâché. Et il s'est fâché en faisant quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des enfants avec les humains. Et en faisant des enfants avec les femmes sur terre, quand ils ont fait ces enfants-là finalement sont devenus des Néphilim, des hommes qui mesuraient 10 à 15 mètres de taille. Ils ont créé la guerre, ils ont créé des armes nucléaires et tout ça, de la brutalité. Donc Nzambakana a décidé de mettre un fin. Et maintenant, quand ces esprits-là voulaient retourner là-bas, Nzambakana les a chassés. Ce sont eux qui sont devenus finalement les génies que vous voyez. Je vous l'explique. Allez-y sur cette vidéo-là. La vidéo avant celle-ci, s'il vous plaît. Donc, les génies ont été créés Adam. Ils ont été créés avant l'homme. Satan, le diable que vous appelez Satan, ils ont été créés avant. Vous comprenez? Donc, il y a des questions qui, parfois, je ne trouve pas nécessaire de répondre. Quand on parle de combo, est-ce que vous êtes d'abord initié? Et vous savez ce que c'est un combo qu'on vous donne? Moi, j'ai mon combo à moi. Donc, retenez bien que les génies que vous voyez là, les Bamami Wata et toutes les histoires là, ils ont été créés avant l'homme. Mais parce qu'ils ont chuté de leur mission en venant baiser avec les femmes sur terre. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Donc, ils n'ont plus de second chance, ils n'ont plus de deuxième chance. Ils sont là pour nous servir. Et je vous ai conseillé le livre d'Abraham l'Hommage. Comment vous pouvez les contrôler? Comment on peut vous former pour les commander, leur donner des ordres? Mais malheureusement, nous sommes en train de terminer. Veuillez me poser maintenant les questions sur Inbox. Parce qu'il me reste seulement dans 10 minutes, je vais pouvoir quitter les lieux, comme ils vont pouvoir fermer ici. Je répète, veuillez vous initier au Bwiti, s'il vous plaît. Parce que quand vous posez trop de questions, il y a certaines questions que je ne peux pas donner de réponse ici au public parce que je suis suivi par des profanes. Il y a certains détails que je ne peux pas donner, des détails techniques. Vous comprenez? Donc, je vous en prie. Vous devez vous initier. Quand vous vous initiez, vous aurez vous-même les réponses. Mais si vous me posez des questions symboliques, je peux m'y répondre. Voilà, il faut retourner au village là-bas. Moi, j'y vais de temps en temps. Dans quelques temps, là, je vais partir. Je vais me remémorer. La dernière fois, je suis parti en 2015. Ça me manque. Et là, je vais repartir. Je me ressource chaque fois. Je disparais. Je ne vais pas dans les grandes villes. Pourtant, je vis aux États-Unis. On n'a rien à foutre. La dernière fois, je suis allé là. J'étais invité chez mes maîtres de la Macumba là-bas au Brésil. Et ainsi de suite. Et je fais un tour en Inde. Et là, je vais partir chez moi encore, à Lambaréné. Dans la zone de Sindara. Parce que c'est là-bas où j'ai pris mon bois sacré. Donc, s'il vous plaît, initiez-vous. Initiez-vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Ok? Je vous remercie beaucoup. Alors, il ne faut pas venir donner ton combo ici, papa. Il ne faut pas faire ça. Je vous remercie beaucoup, chers compatriotes, chers frères. Le sujet était tellement passionnant, comme vous l'avez constaté. Ce sujet, en rapport, comment communiquer avec nos ancêtres. Vous avez vu le code secret. Les ancêtres m'ont demandé donc de vous faciliter les choses. Maintenant, ceux qui sont au Gabon, appliquez la première version qui est la version originale. Allez-y voir un maître initié, il va vous dire exactement ce que je vous ai dit. Parce que moi-même, j'ai été initié en 1975 par ma grand-mère. Elle m'a montré comment rentrer en communication avec ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont ici en Europe, aux États-Unis avec moi, suivez la deuxième version, qui est la plus simple. Parlez, connaissez votre père et la mère, liez, adressez d'abord à Nzambakama, Teta Mwanga, parlez-lui d'abord, reconnaissez les bienfaits, ses vertus, la grandeur, et ensuite parlez à vos ancêtres. Parce que vos ancêtres, c'est l'intermédiaire entre Dieu et vous. Vos ancêtres, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de n'importe quel prophète que Dieu va pouvoir intervenir efficacement et rapidement. Au nom de Jésus pour le faire, parce que Jésus, n'oubliez pas, que c'est une force énergétique grégorique très puissante qui a été vénérée, adorée et devenant un Dieu puissant. Mais vos ancêtres sont plus puissants que tout cela. Et je vous le dis avec autorité, avec raison. Nzambakama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Samedi, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver samedi. Samedi, je viendrai maintenant avec un autre sujet que tout le monde attend. Ok? Soyez salués. Bonne soirée. Et soyez bénis. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Oui, samedi, on se retrouve samedi. Il y a un très grand sujet que nous allons débattre samedi. Donc, préparez vos questions. Il faut les ramener. Pour ceux dont je n'ai pas pu répondre, ramenez ça samedi. Merci encore. Merci. Merci. Merci. Merci. Soyez bénis. Basse, basse, basse, basse. Soyez bénis. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. L'honneur et la gloire, la puissance reviennent à Teta Mwanga. Zambakana. Merci beaucoup. Merci. Merci.